charmante école des Kipijones. Un beau popotin qui désarçonne. Ça fait quand même un sacré effet. C'est plus un secret, je le sais trop bien, c'est mes hormones. La plupart des mâles me soupçonnent de lorgner leurs filles et leurs baronnes. Les gens souvent se montrent méfiants à mon encontre, c'est pas de ma faute, c'est mes hormones. C'est vrai, je l'avoue, je me passionne à fond pour tous ceux qui s'en juponnent. Sachez que j'avale des cachets pour m'en opposer, mais rien n'est plus fort que mes hormones. Un étrange mélange bouillonne au fond de mon corps, elle m'empoisonne. Fameuse petite molécule qui me rend ridicule, je suis victime de mes hormones. Avec des rondeurs ou maigrichonnes, Saint-Denis toujours un peu cochonne. Je sais, ça devient malsain, oui, mais je n'y suis pour rien. Les seuls coupables, c'est mes hormones. Et ce n'est pas tout, Dieu me pardonne. Mes lubies concernent aussi les nonnes. Et puis un voile islamique bien mis, je trouve ça érotique. Si ce n'est pas le diable, c'est mes hormones. Toutes ces beautés qui papillonnent, je suis possédé, je déraisonne. Dire qu'un processus chimique c'est dingue me file la trique, je suis peu de choses sans mes hormones. Je me complaisais comme personne quand je rencontrais une mignonne qui sut la perfide à mon insu soigner mes démons. Ça fait bientôt 2 ans que je pouponne. Qu'elle voulait d'un enfant, c'est ses hormones.